Salon Noir. Quelle est la part du faux en archéologie ? Plus que le vrai, pourrait-il lui aussi contribuer aux grandes avancées de cette science toute humaine ? Certainement, la pseudo-mâchoire de l'homme de Moulin-Quignon, en 1863, fut capitale pour la recherche préhistorique. Le faux, l'apocryphe, le controuvé, collent à la peau de notre discipline comme à celle des archéologues, parfois ingénus, souvent coupables. Dernier grand faussaire en date, Shinichi Fujimura, célèbre préhistorien japonais pour qui le Salon Noir avait consacré un numéro. Vénus préhistorique de Lamout, ossuaire de Jacques, frère de Jésus, grotesque d'Amiens, le frauduleux, la contrefaçon, porte sur toutes les périodes. Un ouvrage ancien retrace ces grands moments, le Vaison de Praden, publié en 1932, un élément indispensable à toute bibliothèque d'archéologue, auquel il faudra désormais adjoindre un livre fraîchement paru, dont l'auteur est aujourd'hui en face de moi, Gérard Coulon. Bonjour. Bonjour Vincent. Conservateur en chef du patrimoine, ancien directeur du service des monuments de Touraine, Gérard Coulon, vous êtes avant tout un antiquiste ayant œuvré sur la période gallo-romaine et notamment sur le site d'Argentomagus. Aujourd'hui, vous vous intéressez aux faux au travers de l'extraordinaire histoire de Vrain-Lucas que vous publiez aux éditions Errance. Gérard Coulon, combien de faux a produit cet abject individu ? Eh bien, cet individu a produit la bagatelle de 29 472 faux établis, mais on peut rajouter quelques miettes et dire qu'il a frisé les 30 000. Alors, on connaît en peinture Wolfgang Beltrachi, Fernand le Gros, mais Vrain-Lucas, le Balzac du faux, est un des plus grands faussaires par le nombre ? Par le nombre, c'est incontestable. C'est le plus grand faussaire en écriture jamais épinglé. Je ne dirais pas la même chose pour la qualité de ses faux et de ses autographes, mais disons que sur le plan numérique, c'est de loin le champion. Alors explorons rapidement le personnage. Rien ne prédispose Vrain-Lucas à la littérature ? Absolument rien. Ses parents sont illettrés, ils vivent dans un petit village en Eure-et-Loire, près de Châteaudun, à Lanneray, et il a une enfance... banal, j'allais dire, mais il a tout de même un goût très prononcé pour les lettres. Il lit tout ce que la bibliothèque du curé du village lui propose. Il s'inscrit à la bibliothèque de Châteaudun. Il devient un rat de bibliothèque, véritablement. Il aime la poésie et il se découvre une passion pour l'histoire. Alors le vrai faussaire prend toujours des éléments réels, fait du faux avec du vrai, copie deux tableaux pour en faire un troisième. Qu'en est-il de Vrain-Lucas ? Je crois qu'il adopte strictement la même méthode. Il utilise des personnages de l'histoire et des personnages extrêmement célèbres. Il en campe tout de même 660 sans se recouper, sans se tromper dans toutes ces... sinuosité de l'histoire, et il parvient tout de même à établir une sorte de réseau incroyable de correspondance. 29 472 lettres avérées et fabriquées en quelques années, en fait. J'ai calculé qu'il avait dû rédiger les bonjours, 11 lettres par jour, 11 faux, et 9 les jours où il se sentait un peu fatigué. Alors sur quel type de support écrit-il ? Alors c'est ce qui est incroyable, c'est qu'il travaille sur papier, un papier qu'il se procure dans les grandes bibliothèques parisiennes. On l'a trouvé à plusieurs reprises avec un coupe-papier en train de sacrifier des pages de garde d'ouvrages. Il est tellement peu attentif d'ailleurs que parfois il coupe des dorés sur tranche, ce qui fait que lorsqu'on examine la tranche de la feuille de papier, on y voit un mince filet d'or. Il se fait même expulser de la bibliothèque Sainte-Geneviève, c'est bien ça ? Bien sûr, oui, pour avoir un peu trop fréquenté les rayons d'une façon un peu intime et pour avoir surtout tranché quelques feuilles de papier d'époque. Quelles sont ses sources ? Oh, il a des sources extrêmement vastes. Il est obligé, pour composer cette correspondance astronomique, de compulser énormément d'ouvrages, des isographies qui donnent les écrits, la façon de tracer les lettres d'un certain nombre de personnages. Je pense à Charlemagne, par exemple. Et il puise également dans l'encyclopédie Diderot et d'Alembert, dans beaucoup d'ouvrages de Voltaire. Il a une... On ne peut pas dire une culture, mais il a des sources extrêmement variées, extrêmement fouillées, et c'est un des lecteurs les plus assidus de Sainte-Geneviève et de la Bibliothèque nationale. Il écrit dans quelle langue, puisqu'il couvre à peu près 2000 ans d'histoire, non un peu plus, 2500, 2400 ans, puisque je crois qu'un des plus anciens, c'est Alexandre le Grand, je crois, non ? Oui, la poétesse Sappho, etc. Eh bien, tout ce petit monde écrit dans un français... J'allais dire pur, non, mais tout ce petit monde écrit en français, et s'il vous plaît, sur papier. Et les encres, il écrit à la plume Alors, c'est la grande réussite de Vrain-Lucas. C'est-à-dire que c'est un faussaire qui ne prend pas trop garde à imiter les écritures des personnages qu'il contrefait, qui ne prend pas garde non plus pour les filigranes qu'il ignore superbement. Sur des lettres de l'Antiquité, quand on les regarde au jour... On voit écrit « Manufacture royale d'Angoulême », par exemple, ce qui ne manque pas d'étonner. Mais l'encre est sa grande réussite, et des chimistes se sont penchés sur la composition de cette encre. Moi, j'ai eu les exemplaires entre les mains à la Bibliothèque nationale. Ces exemplaires n'ont pas vieilli. Ils gardent une fraîcheur. Et Vrain-Lucas s'est montré assez fier de sa trouvaille de l'encre faisant ancien. Et lors du procès, quand le président le lui a dit... Il a dit, un peu frondeur, mais tout le monde ne peut pas être faussaire. Alors, comment fait-il pour justifier que tout ça soit en français, puisque Alexandre le Grand, normalement, ça devrait être en grec. Eh bien, je vais vous étonner, il ne le justifie pas. Il ne le justifie pas, justement. Bon, il essaie bien de dire que, à Saint-Martin de Tours, dans l'abbaye, des moines copistes ont recopié en français, mais on sent bien que tous ces messages... fussent-ils d'Aristote, de Platon, eh bien tout cela est dans le plus pur des Français. Le contrefacteur agit aussi pour combler ses finances, mais peut-être aussi sa propre personnalité, sa propre histoire. Alors il y a deux parties dans votre question. Oui. La première, ce sont les finances. Alors effectivement, Vrain-Lucas est vénal, complètement vénal. Il vend en gros, allez, arrondissons, 150 000 francs or, ce qui est très difficile à convertir en monnaie actuelle, en euros. On pense qu'il a vendu pour entre 600 000 et 800 000 euros, ce qui fait une somme tout à fait coquette pour un fils de journalier qui tirait un peu le diable par la queue et qui habitait une maison tout à fait modeste, une sorte de masure. Quant à combler sa personnalité, je crois que vous avez raison. Vous avez raison parce que... Il a eu un moment charnière dans sa vie. Vous savez, il y a toujours un moment dans une vie qui vous fait basculer sur un versant ou sur l'autre versant. Et en 1852, le petit gars d'Eure-et-Loire monte à Paris. Il monte à Paris précédé par une lettre de recommandation, une deuxième lettre qu'il a écrite, où il sollicite un poste d'employé au catalogage de la Bibliothèque impériale, l'actuelle Bibliothèque nationale. Il est à peu près sûr d'être embauché. Il vient de se marier, sa femme l'a suivi, sa fille aussi, donc il est fraîchement débarqué dans la capitale. Et contre toute attente, sa candidature n'est pas retenue, il est rejeté, parce qu'il n'est pas bachelier. Et il va prendre cet affront comme vraiment la claque suprême. Et à partir de là, on a l'impression qu'il veut prendre, peut-être inconsciemment, une certaine revanche sur le milieu intellectuel qui l'a banni. Et il se dit finalement, c'est assez facile de tromper des intellectuels. Et il va commencer à fabriquer des faux à une époque où, chez des généalogistes, on aime bien faire de faux arbres généalogiques pour s'attribuer une petite particule. Et Vrain-Lucas est doué pour cela. D'ailleurs, dans sa demande pour entrer à la Bibliothèque nationale ou la Bibliothèque impériale, il se targue d'avoir fait de l'archéologie. Absolument, il a publié un certain nombre de recherches dans la région de Châteaudun et la presse locale contient encore des articles authentiques, ceux-ci, signé Vrin-Lucas. Gérard Coulon, donc on peut penser qu'il se réalise au travers de ses faux, de ses écrits ? Ah, je le pense très profondément. Très profondément, comme les publications lui sont refusées, c'est quelqu'un qui aime écrire, qui a besoin d'écrire. On ne peut pas dire que ce soit un fou littéraire. Ça n'est pas le cas. Mais il a besoin du geste d'écrire. Il a besoin de coucher sur le papier tout ce qu'il pense. Et là, par le truchement de ses lettres, j'allais dire un mot un peu trivial, mais il s'éclate. Et il est vraiment heureux. Alors, il y a bien sûr d'un côté l'escroc, il y a aussi le dupé, la victime, qui n'est pas n'importe qui. Il aura même son nom de l'autre côté de la Seine, sur la Tour Eiffel ? Absolument, et je l'ai vu en venant, flamboyant sous le soleil. Ce dupé, c'est le personnage qu'on attend le moins sous le Second Empire. C'est Michel Chasles. Tous les auditeurs se souviennent d'avoir étudié la relation de Chasles ou le théorème de Chasles qui permet de faire l'addition de deux vecteurs AB plus BC égale AC. Eh bien, ce personnage illustre, qui est quand même l'un des grands savants de l'époque, c'est énorme. Michel Chasles est prof à Polytechnique. Il enseigne ensuite, on crée pour lui une chaire de mathématiques de géométrie supérieure à la Sorbonne. Il est l'un des premiers membres étrangers de la Société mathématique d'Angleterre. Il reçoit la médaille Copley. Si le prix Nobel eût existé, peut-être l'aurait-il reçu. Les Anglais l'ont surnommé l'empereur de la géométrie. Et tous ceux qui l'ont approché louent à la fois ses qualités de cœur et ses qualités d'esprit. C'est un homme bon, intègre, un petit bonhomme pétillant, célibataire endurci, et qui... est un esprit le plus rationnel qu'on puisse imaginer. En tout cas, l'empereur de la géométrie va acheter presque 30 000 textes faux. Oui, et des textes invraisemblables. Ça frise le canular à plusieurs reprises, évidemment. La relation entre le faussaire et sa victime ne serait-elle pas quelque peu suspecte ? Elle est totalement suspecte. Il m'est arrivé de faire une conférence sur Vrin-Lucas devant un ou deux psychanalystes ou psychiatres, et leur diagnostic est formel. Il s'agit d'un délire à deux, fomenté dans le plus grand secret, puisque ces entretiens doivent rester secrets. Et en fait, Chasles fait indirectement des commandes à Vrin-Lucas. Il présente ses textes à l'Académie des sciences, tout c'est faux. Ceux qui concernent surtout Newton et Pascal. Évidemment, il y a des remarques qui sont faites. Et le lundi d'après, comme par hasard, Chasles présente au bureau de l'Académie des lettres qui répondent exactement aux critiques qui lui ont été faites. Et on voit pourquoi. Il y a un partenariat qui s'instaure. Chasles rentre de l'Académie et dit « Ben voyons, on m'a opposé cela. Si vous trouviez une lettre signée de tel savant, puisque Galilée est dans le coup, Huygens est dans le coup, tous les grands savants qui ont précédé, Newton, je n'en parle pas. Et évidemment, il va même jusqu'à indiquer comment Newton dessine certaines lettres. C'est-à-dire qu'il dicte un programme au faussaire en lui donnant toutes les indications. Un jour, d'ailleurs, le faussaire écrit « Aureus » sans H. Et Chasles lui dit « Il faut un H ». Donc ça veut dire qu'il est presque complice en quelque sorte, mais un complice aveugle et peut-être involontaire inconsciemment. France Culture, le Salon Noir. Vincent Charpentier. Gérard Coulon, Laurent Olivier, habitué du Salon Noir, écrivait il y a quelque temps « Le faux s'adresse spécifiquement aux connaisseurs, voire à une seule personne en particulier ». C'est tout à fait ça. Ah, c'est une illustration. Je cite dans cet ouvrage beaucoup Laurent Olivier, qui a trouvé vraiment le nœud gordien de l'affaire, en fait. Très, très vite, Chasles, qui rencontre Vrin-Lucas en 1861, exige d'être l'unique client de Vrin-Lucas. Et il apprend que Vrin-Lucas a vendu à un obscur employé du ministère quelques lettres, dont des lettres, s'il vous plaît, de Rabelais, de Molière, de Racine. Et il les lui rachète immédiatement. Il n'est pas question, pense-t-il, que ces trésors nationaux partent en d'autres mains que les siennes. Et la grande crainte de Chasles, c'est que ces textes partent à l'étranger. Et d'ailleurs, il a commencé par Rabelais, je crois, oui, un des premiers faux mais de oui, Vrin Lucas. Mais c'était normal, c'est parce que Rabelais, d'après la tradition au XIXe, avait une maison à côté de Châteaudun et Chartres. Et il savait très bien qu'il émoustillait la curiosité de Charles en lui proposant une lettre. Excusez du peu, les trois premières lettres qu'il lui vend sont Molière, Rabelais et Racine. Rien de moins. Ce ne sont pas des auteurs locaux. Fort de ses achats, Charles donc présente à l'Académie ses trouvailles. Urbain Le Verrier, directeur de l'Observatoire de Paris, ayant flairé la supercherie, sera le chercheur le plus sceptique de l'Académie. Le plus sceptique et le plus rationnel dans ses attaques. C'est quelqu'un qui, dès le début, a mis en doute la parole de Charles, puisque la grosse théorie de Charles qu'il présente à l'Académie des sciences sous la coupole, en juillet 67, c'est de dire « Newton n'est pas du tout la personne, le savant qui a mis au point les lois de l'attraction universelle, qui les a découvertes. C'est un plagiaire. Il a pris ses idées à Pascal, puisque Pascal a eu une correspondance avec Newton. Là, les scientifiques tombent des nues totalement. Et Pascal, d'après la correspondance qu'exhibe Charles, aurait correspondu avec Newton. Newton avait alors, tenez-vous bien, 11 ans. C'était un gamin. Et cependant, Pascal lui aurait explicité les lois. Et bien sûr, lorsque Newton a publié plus tard ses lois sur l'attraction universelle, il n'a bien entendu, le bougre, le fourbe, jamais cité Pascal. Alors, Vrin Lucas aussi fait des textes sur l'Académie. Il trouve le texte, le premier texte de la volonté de créer l'Académie, l'Académie française. Oui, et comme par hasard, c'est un poète de la région de Chartres, de son département, Rotrou, qui aurait soufflé à Richelieu l'idée de créer l'Académie, ce qui est quand même assez fort. Je rappelle pour les auditeurs du Salon Noir de France Culture que vous êtes conservateur en chef du patrimoine, spécialiste de l'Antiquité gallo-romaine et que vous venez d'écrire un ouvrage sur un des plus grands faussaires français, Vrin Lucas. Ce qui est plaisant dans ce personnage de faussaire, c'est qu'il prend des libertés avec l'histoire. Je dirais même qu'il comble les lacunes de l'histoire. Oui, on pourrait toujours dire on peut violer l'histoire à condition de lui faire de beaux enfants. La parole est bien connue. Je ne sais pas si les enfants de Vrin Lucas sont faux ou beaux, mais en tout cas, c'est tout de même troublant parce que ce personnage qui n'a pas une éducation énorme, tout de même, même s'il est un rat de bibliothèque, dans ses presque 30 000 lettres, il commet assez peu d'erreurs. Il commet peu d'anachronismes. Il en fait une qui est vraiment vénielle, mais qui en même temps est capitale, parce que dans une démonstration, Pascal explique que le phénomène qu'il observe est un petit peu comme la mousse sur le café dans une tasse. Le seul problème, c'est que le café ne devient courant à Paris que 3 à 6 ans après la mort de Blaise Pascal. Donc Pascal ne pouvait pas prendre comme exemple le café. Donc voilà le genre d'erreur qui permet de le prendre, mais il faut bien étudier ces lettres. Pascal, Newton, notre faussaire est visiblement assez anti-britannique. Il est complètement anti-britannique. Et en fait, c'est un patriote. Et pour lui, le but suprême, c'est de rétablir la gloire de tous les savants français, parce qu'il suppose que quelqu'un comme Newton, tous les savants étrangers, ont spolié la science française. Et donc, on va tout faire par ces lettres pour redonner aux savants français leurs lettres de noblesse. Et le vil anglais, c'est ce qu'il pense, il est violemment anti-britannique, il faut lui rabattre le caquet et il faut redonner toute cette gloire à nos savants français. Alors, bien sûr, ce qui nous intéresse surtout, c'est l'Antiquité, avec quelques faux concernant Alexandre le Grand, Cléopâtre, Caligula, mais aussi Pline, Socrate, Strabon, voire Varron plutôt. Tout cela en français, tout bien entendu, en français, et sur bien papier. Sûr, bien sûr. Alors, prenons par exemple une lettre, la lettre de Cléopâtre à Marc-Antoine ou à César. Oui, ou à César. Vous savez, la tradition dit, on ne sait pas, que César et Cléopâtre ont eu Césarion ensemble, ont eu un fils. Et dans cette lettre, Vrin Lucas fait dire à Cléopâtre qu'elle veut envoyer Césarion étudier à Marseille, à Massilia, parce qu'à Marseille, l'air est particulièrement sain et l'enseignement y est de grande qualité. Je crois que ça va rasséréner les descendants des enseignants massaliètes à Marseille. Il y a aussi la lettre de Lazare à Saint-Pierre, une lettre très intéressante, complexe d'ailleurs. Elle est très complexe parce que, là encore, on expose l'intérêt de la religion des druides. Toujours ce souci de valoriser la France, les Gaulois, tout ce qui est français doit être à l'honneur. Et il explique à ces deux personnages bibliques que la meilleure des religions, quasiment, c'est la religion gauloise. Et les meilleurs, ce sont les druides, ce qui ne manque pas de piquant tout de même. Il y a aussi, bien sûr, les Gaulois, qui, bien sûr, eux aussi, ça va écrire. Hein, parmi eux, Divisiac, chef des druides et du peuple éduin. Oui, et je ne peux résister à vous dire que Moïse, certainement, écrivait le gaulois. Et le gaulois est mère de toutes les langues, évidemment, pour Vrain-Lucas. Effectivement, Divisiac écrit, et bien entendu, il écrit du pays des Carnutes et il parle du pays éduin, puisque c'était un grand druide éduin, et il écrit des pays des Carnutes, région de Chartres et de Châteaudun, d'où était originaire notre faussaire. Et vous voyez que le patriotisme a un rôle majeur chez ce personnage. Alors Divisiac a réellement existé, a réellement rencontré Cicéron. Absolument. Mais toujours est-il, comment a-t-il trouvé toute cette documentation? Je crois que, je le répète, c'était un rat de bibliothèque impénitent, et il passait ses journées à la Bibliothèque nationale. Et il a vraiment étudié tous les livres. Et c'est vrai qu'effectivement, Cicéron a hébergé pendant quelques semaines, peut-être quelques mois, le druide Divisiac qui est allé s'exprimer au Sénat romain. Donc, il est très bien renseigné, notre Vrain-Lucas, tout de même. Il y a la lettre de César à Vercingétorix, qui est une sorte de véritable déclaration de guerre. Oui, c'est une lettre de défi. Mais là encore, on y sent le respect pour les Gaulois, parce que César envoie une lettre à son ennemi en lui disant « Si tu ne te rends point, je vais t'attaquer et je suis le plus fort ». Mais si on prend la peine d'adresser une lettre à la personne à qui on va faire la guerre, cela signifie qu'on respecte cette personne. Et c'est toujours la même idée qui sous-tend toute cette correspondance incroyable. Est-ce qu'on a la lettre en retour de Vercingétorix à César? Non, je crois pas. Eh bien, malheureusement, non. Malheureusement, non. Cette correspondance a des limites. En tout cas, il y a la lettre de Vercingétorix à Trogue Pompée. Oui. Alors ça, chronologiquement, c'est aussi très intéressant. Et oui, ça ne colle pas, parce que Trogue Pompée, qui est du milieu du 1er siècle après, vit pratiquement un siècle après Vercingétorix. C'est un auteur gallo-romain. Il est impossible que le brave Vercingétorix ait fait une lettre. Et d'ailleurs, il y a une autre erreur dans la lettre, dans le billet. C'est que Vrain-Lucas attribue le titre d'empereur à Jules César. Or, chacun sait que le premier empereur romain, c'est l'empereur Auguste. César ne fut jamais empereur. Alexandre le Grand, qu'est-ce que l'on peut apprendre sur sa grande expédition? Je crois qu'on n'apprend pas grand-chose, mais je crois qu'on sourit beaucoup, principalement. Oui, effectivement. Mais encore une fois, il y a toujours cette idée... rendre à la France, rendre à la Gaule, parce que Vrain-Lucas fait allègrement confusion entre la frontière de la France et celle de la Gaule. Et toujours, il y a cette prééminence du Gaulois chez qui Alexandre pourrait bien venir apprendre beaucoup de choses. Il y a cette idée toujours, le Gaulois est supérieur à tous les autres peuples de l'Antiquité. C'est un scoop, évidemment, pour les auditeurs. Les lettres de Vercingétorix, nous sommes à une époque où l'archéologie découvre les Gaulois, où Napoléon III œuvre au césarisme. Ces apocryphes de César et de Vercingétorix sont donc majeurs pour l'époque. Il ne faut pas oublier que nous sommes dans le Absolument. Début des fouilles de Gergovie, d'Alésia et même de Bourges, peut-être. Oui, et c'est controversé déjà, effectivement, mais... il faut bien dire tout de même qu'au procès, lorsqu'on a produit ces lettres, lorsque les 16 et 17 février 1870, Vrain-Lucas a été jugé, le président du tribunal a lu quelques-unes des lettres, dont celle de Vercingétorix, en français, sur papier. Alors il y a eu d'abord quelques gloussements timides, Châle assistait au procès, et puis peu à peu, quelques personnes se sont hardies, ont ri, et toute la salle a ri à gorge déployée. Donc la portée scientifique a été nulle, évidemment. Ça a été plutôt un sujet d'une immense plaisanterie. Et toute la France, dit un journal, je crois que c'est le Gaulois d'ailleurs, comme par hasard, dit « La France est partie d'un énorme éclat de rire ». Rappelons qu'il existe une longue tradition d'apocryphes archéologiques. Au XVe siècle, Annius de Viterbe publie 17 tomes de commentaires et fausses traductions d'œuvres antiques perdues. Il y a aussi le faux papyrus d'Artemidore réalisé au XIXe et acheté à très très grands frais à Turin. Donc Vrin-Lucas s'inscrit dans toute cette tradition de faussaires archéologiques ? Une très grande tradition, avec la différence tout de même, c'est que les personnages de l'Antiquité ne sont pas son unique préoccupation. Il va pratiquement jusqu'à la fin du XVIIe, XVIIIe siècle. Il couvre, comme vous l'avez dit au début de l'émission, un panel énorme de siècles. Mais l'Antiquité, on a l'impression qu'elle est là un peu par hasard. Elle est là un peu pour illustrer. Il n'empêche que Charles, lorsque devant l'Académie des sciences, quand ce grand savant fait l'inventaire de ses lettres, il n'oublie pas de mentionner les lettres de l'Antiquité. Donc il y a cette ambiguïté. À la fois, elles sont pour le faussaire probablement secondaires, mais pour Charles, elles revêtent valeur de document historique. Pourquoi est-il arrêté ? Oh, pour une raison absolument incroyable. On pourrait croire que c'est pour faux, etc. Figurez-vous que c'est Michel Charles qui le fait arrêter. Michel Charles lui a commandé 3000 lettres, avec un décompte très précis. 137 de Louis XIV, tant de Jeanne d'Arc, ce qui paraît incroyable, quoi. Et Vrin-Lucas met du temps à livrer ces 3000 lettres. Il met tellement de temps que Charles s'impatiente et décide de le faire surveiller. Charles connaît très bien le préfet de police de Paris. Il lui demande une filature discrète et Charles est filé pendant un mois. Malheureusement, la main courante et le rapport a disparu en raison de l'incendie des archives de la police sous la commune. Toujours est-il qu'on a un petit résumé et Charles est à peu près persuadé que jamais Vrin-Lucas ne lui vendra les lettres et Charles craint par-dessus tout que ces lettres partent à l'étranger et que ce trésor national fuit nos frontières et il le fait arrêter. Pour abus de confiance. Vrin-Lucas écope de combien d'années ? 2 ans de prison. C'est pas beaucoup ? Non, c'est pas beaucoup. Mais l'avocat a été habile. En tout cas, il publiera sa défense. Qu'est-ce pose-t-il dans sa défense ? Oh, ben, ce sont les raisons qui l'ont fait agir, en fait. Et il dit que il l'a fait d'abord pour plaisanter un peu. Et c'est Charles qui l'a plutôt incité à cela. Et il se défend bien. Mais il ajoute « Oh, que mon repentir est grand !» La gloire de l'académicien Michel Charles fut-elle altérée par cette affaire ? Absolument pas. Il continue à publier dans les comptes rendus de l'académie, il continue à occuper des postes importants. Et on a même l'impression. Il y a même une rue Michel Charles, qui est d'ailleurs pied de nez de l'histoire. La rue Michel Charles. Est à l'emplacement de l'ancienne prison Mazas, qu'on a détruit un peu avant l'exposition universelle de 1900. Et c'est là que le faussaire a été emprisonné. En tout cas, Vrin-Lucas sera arrêté, mais aussi interdit de bibliothèque publique à Paris. Oui, ce qui est très rare comme mesure, par le ministre de l'Instruction publique en personne. Et puis, Alphonse Daudet s'inspirera de ce personnage dans un ouvrage intitulé L'Immortel, qui sort en 1888 et dans lequel on a peine tout de même à reconnaître Vrin-Lucas. Il en fait un bossu poudré amateur de femmes, ce que n'était pas du tout Vrin-Lucas. Qui a œuvré pendant 10 ans en bibliothèque, qui était un besogneux. Comme un bénédictin et un besogneux. Il a singulièrement manqué de panache. En tout cas, dernière question, reste-t-il en circulation quelques textes de Vrin-Lucas, des inédits ? Pourrait-il aussi d'un seul coup ressurgir des belles lettres de Vercingétorix ? Écoutez, je lance un appel aux auditeurs de France Culture, mais je n'en ai point trouvé. Gérard Coulon, merci beaucoup. Donc je rappelle le titre de votre livre, signé Vrin-Lucas, la véritable histoire d'un incroyable faussaire aux éditions Errance. La semaine prochaine, nous évoquerons les fouilles de Kerma au Soudan avec le grand archéologue suisse Charles Bonnet et l'égyptologue Dominique Valbel. Le Salon Noir est réalisé par Vanessa Nadjar, à la technique Juliette Delpirou, attachée d'émission Catherine Denet. Vous pouvez bien entendu écouter ou podcaster cette émission sur la page du Salon Noir sur le site franceculture.fr ou retrouver plus de 200 archives de l'émission sur le site inrap.fr. www.radioscoop.fr. Mais dans quelques instants, les nouvelles vagues de Marie Richeux.